J'essaye d'emmener l'auditeur au-delà de ce que mes mots illustrent. Planer sur le pura et m'imposer. Nautilus, j'émerge des profondeurs invisibles pour vos sonars. Un parasite en visite, nuisible, bloqué sur Solar. Voici ma carte de visite, toujours aussi précise sur le beat. Les wax sont peu explicites et investissent sur les feats. A chaque fois que j'écris un freestyle, je peux pas m'empêcher de les citer. C'est le texte d'une ex-ragaille avec l'esprit toujours dissipé. Dirigé vers les faux DJ Wack, breakdancer, auto-yeur, mets des fat claques. Bud Spencer, mec t'es trop nul, tu devrais te terrer dans ton fief. Si on paye un impôt sur le ridicule, tu paierais l'ISF. Docteur Kefir, Mister Cafard, mettez les plafards, bande de bâtards. Shooter les ventards, toutes ces pinces qui se prennent pour les princes du Qatar. Je m'adresse à tous ceux qui mettent des bâtons dans les jambes. Ça se répercute dans les ventes, car leur album sonne tout creux. Ils se croient doux et je vais déjouer goût, mais tout leur plan déboule et coule et les écroule. Et tout le crew, le cool est fini de jouer. Retourne dans ton coin, comme un gamin on te gronde. On est tous le con de quelqu'un, sauf toi qui es celui de tout le monde. Tout mon sac, je n'ai pas déballé, ce son est un pas décalé. Fallait pas me demander taille et braille, croyant que j'allais pas les galer. Envoie le beat crate que je puisse l'étaler, mettre une tannée cette année. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es, à mentalir. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre, boulimique. Le seul jour où t'étais chaud, c'est quand t'avais de la fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fève. Tu penses nous adouber, tu ne manques pas de toupet. Voici mon couplet, coup d'épée pour tout péter, personne peut me doubler. Mais où t'étais quand t'écoutais, tout est bêté, tu me redoutais, douter sur les vagues, en coup dégoûté, voulais tous me shooter.